Émission hors série, histoire 1. Bonjour et bienvenue à cette émission hors-série de notre podcast. Christian Martin au microphone. Je me suis rendu compte au cours des mois que nos productions à caractère historique s'intégraient mal à notre émission régulière. Aussi, ai-je décidé de consacrer à ce volet une série d'émissions hors-série. Oui, ça sonne bizarre, je sais. Dans les 5 premières, je vous présenterai l'audio-livre consacré à Saint-Camille. Saint-Camille est un petit village du Québec, au nord des cantons de l'Est, qui se bat depuis des années pour garder ses services, sa population et rester en vie. Enfin, plus que rester en vie, prospérer. Divers projets ont été réalisés en ce sens. C'est ainsi qu'est né le Petit Bonheur de Saint-Camille, une petite salle de spectacle combinée à un espace communautaire. Concerts, expositions d'œuvres d'art, repas communautaires, garde le Petit Bonheur en activité toute l'année. Plus récemment, un inspirant projet de revitalisation d'un chemin de municipalité a vu le jour. Depuis des années, l'Exode avait laissé à l'abandon le rang 13. La municipalité a décidé de réagir. Pour attirer les jeunes familles avec un projet innovant, on mettait à disposition un terrain, plus ou moins grand, pour s'établir à des conditions très avantageuses. Bref, Saint-Camille est un village qui mérite toute mon admiration. Une autre raison motivait que j'enregistre cet audio-livre consacré à Saint-Camille. Mes ancêtres s'y sont installés en 1852. Mon grand-père et mon arrière-grand-père Martin y sont nés. Mon arrière-grand-mère y est enterrée. Saint-Camille, c'est une partie de ma patrie. Une partie de mon histoire. Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. La paroisse de Saint-Camille, première partie, chapitre 1. Quel que soit le pionnier qui entre dans la forêt pour dresser sa tente et fixer sa demeure, il nous apparaît toujours comme un homme capable de surmonter de grands obstacles. C'est un géant. Sa démarche est digne d'admiration. Son courage est exalté. Qu'il soit guidé par l'ambition, par la passion des découvertes ou des aventures, qu'il cherche le silence ou la solitude, qu'il marche pour apaiser sa faim ou pour trouver la subsistance de sa famille, il vole au champ de l'honneur. Ses pas sont comptés. L'endroit qu'il a choisi est marqué. Son nom est enregistré. Il devient le fondateur d'une colonie, le père d'une paroisse. La gloire qu'il attache à son nom n'est pas incomparable, mais elle est préférable à celle du guerrier. Le fait est moins brillant, mais l'éclat en est plus durable. C'est plus qu'un fait, du reste, pourquoi ne pas l'affirmer? Il y a là une mission à remplir. Dans cette mission, la Providence est l'agent. Le hasard n'est rien. Celui à qui elle échoit agit sans préméditation. Il ne connaît pas même les desseins de Dieu. Une idée le pousse, il marche. La Providence conduit et, comme toujours,

En complément de programme, je veux vous présenter quelques extraits du Progrès de l'Est. Le Progrès de l'Est est un journal fondé à Sherbrooke, au Québec, le 25 août 1883. J'ai voulu réaliser une version audio de ce périodique avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où j'ai trouvé les versions numériques, pour l'aspect historique au quotidien qu'il nous apporte quelques 130 ans plus tard, mais également pour son aspect généalogique. Car, dans le Progrès de l'Est, les acteurs qui font la nouvelle sont nommés. Lorsque, pas entièrement, au moins, mentionne-t-on le patronyme. Pour les chercheurs en généalogie comme moi, quoi de plus intéressant que de découvrir un fait concernant un de nos ancêtres? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur la page du blog consacré au Progrès de l'Est, j'ai créé un index des patronymes, ainsi qu'un index des lieux mentionnés dans les articles pour lesquels j'ai fait une version audio. Dans cet esprit, au cours de ces émissions hors-série historiques du podcast, je vais m'arrêter sur certains patronymes qui reviennent plus d'une fois dans la version audio des articles mis en ligne. Aujourd'hui, je m'arrête sur le nom de famille, Allard. Ce patronyme apparaît deux fois jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en un peu plus de quatre parutions du journal. La première fois, c'est dans le premier numéro du 25 août 1883, en page 5, dans l'article qui nous donne des nouvelles de Sherbrooke et des environs dans les cantons de l'Est, au Québec. Il est question, ici, de Joseph Allard d'Ascot. Vous excuserez les dans ces premiers enregistrements, ils ont eu lieu alors que j'avais perdu quelques dents. Dimanche dernier, il y avait fête de gala au Cercle agricole de Sherbrooke. On devait distribuer des prix aux plus méritants. Il y avait trois sections parmi les lauréats. D'après le rapport des commissaires examinateurs, messieurs M. E. Stenson et E. Noël, le premier prix d'agriculture a été mérité par M. Joseph Allard d'Ascot, président du Cercle, le second par M. N. Bourque, le premier prix d'horticulture par M. G. Weckmann, le second par M. N. Bourque. M. Allard a encore remporté le premier prix d'industrie domestique et M. H. C. Cabana, le second. Ce prix consiste en travaux de tissage et de tricotage, de tapisserie, etc. En un mot, tout ce qui se fabrique par les mains de nos bonnes fermières pour l'usage de la maison. Les prix consistaient en montres d'argent, photographies et chromos. Les donateurs étaient messieurs le baron de Pic, G. Weckmann et Léon Stillman. Il y a eu 4 ou 5 prix dans chaque branche, mais nous ne pouvons apporter que les premiers. La deuxième fois que j'ai rencontré le patronyme Allard, en réalisant les versions audio du Progrès de l'Est, c'est en page 8 de l'édition du 1er septembre 1883, et également dans l'article nous communiquant des nouvelles de Sherbrooke et des environs. Ici, on nous parle des fils de Jules Allard de Quaticook. Les trois fils de M. Jules Allard, ci-devant de Quaticook, sont en voie de construire une importante scierie à vapeur auprès de la gare de Gould, le long du chemin de fer international. Thank you. Pour le volet purement historique que l'on peut retirer d'un journal comme Le Progrès de l'Est, j'ai décidé de m'arrêter sur la présence française au Tonkin. Si vous êtes comme moi, vous vous demanderez peut-être où se trouve le Tonkin. Eh bien, selon Wikipédia, le Tonkin est la partie septentrionale du Vietnam actuel, à l'ouest du golfe du Tonkin. À partir de 1884, le nom devient celui d'un protectorat français, l'une des cinq composantes de l'Indochine française. Cette ancienne grande division territoriale du royaume de Cochinchine, ou Danam, fondée sur sa vieille capitale, est située à l'est du Laos et au sud des provinces actuelles du Yunnan et de Guangxi, constitutive de la Chine. Puis, en 1867, la marine française, présente dans le delta du Mekong, dans sa colonie de Cochinchine, s'intéresse aux terres plus au nord du royaume d'Annam et du Tonkin, qui sont évangélisées par les missions étrangères de Paris depuis la fin du XVIIe siècle. Et enfin, la France assume la souveraineté sur le Tonkin et l'Annam après la difficile guerre franco-chinoise de 1881 à 1885. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que l'Annam? L'Annam était le nom du protectorat chinois sur une partie du territoire formant aujourd'hui le Vietnam de 618 à 939 avant l'indépendance du Des Viet. Par la suite, le mot a continué d'être employé par les Chinois pour désigner le Vietnam. L'usage a ensuite été repris par les Occidentaux pour désigner le Vietnam dans son ensemble. Enfin, le nom a servi à désigner le protectorat français d'Annam de 1883 à 1945, dans le centre de l'Indochine française, le nord du Vietnam étant alors appelé le protectorat français du Tonkin et le sud, la Cochinchine française. Le terme de Vietnam, selon son usage moderne, s'est imposé après 1945. Donc, bref, si je comprends bien, les Français sont au Vietnam et cherchent à s'en emparer pour en faire une colonie. Voyons maintenant ce que dit le Progrès de l'Est à ce sujet. Les deux premiers extraits sont tirés de la première page du premier numéro, soit du 25 août 1883. Les relations diplomatiques entre les gouvernements français et anglais ne sont pas clairement définies. À sa dernière entrevue avec Lord Granville, M. Waddington a donné communication du rapport du consul Ledoux à Zanzibar sur l'incident de Tamatave. Il y a conflit et contradiction entre le consul français, le commodore Johnson, les missionnaires anglais et les dépêches télégraphiques. M. Waddington a refusé de donner des explications ultérieures sur la politique française. Le blocus des ports chinois dépend de l'attitude de Pékin. Cette mesure est imminente si le gouvernement chinois refuse un règlement à l'amiable des difficultés. D'après une dépêche de Londres, en date du 23, les hostilités ont commencé au Tonkin. Les Français, divisés en trois colonnes de 500 hommes l'une, ont pénétré jusqu'à Son Tay. Ils ont tenté de prendre ce village fortifié à la baïonnette, mais la défense a été tellement vigoureuse que le projet a dû être abandonné. En rentrant à Hanoï, les Annamites ont essayé de poursuivre les Français qui les ont reçus avec une fermeté énergique et mis en déroute. Les Français ont eu 2 officiers et 10 soldats tués et 54 blessés. Les Chinois alliés ont eu 30 tués. Une autre dépêche au Times de Londres annonce que les Français ont pris Aidiorg, où ils se sont emparés de 150 pièces de canon et d'une somme de 50 000 $ en numéraire de l'Annam. Cette expédition, dont l'issue sera certainement favorable à la France, ne nous semble pas être conduite de manière à la rendre aussi courte que possible. Les Français ne sont pas assez nombreux, et pour peu qu'ils soient obligés de se disperser, ils auront toujours à lutter 1 contre 20, ce qui n'est pas agréable sur un champ de bataille, quand même l'ennemi est aussi poltron que des lapins. Pour aller vite en besogne, les Français devraient être au moins 20 000 hommes, chiffres qu'ils sont loin d'atteindre, puisque les renseignements les plus exacts ne leur accordent qu'une petite armée de 5 000 hommes. L'extrait suivant provient de l'édition du 8 septembre 1883. Comme les deux premiers, il est tiré d'une rubrique intitulée « Revue étrangère », paraissant en première page. Les troupes françaises ont réussi, dans la campagne de l'Annam, d'une manière plus avantageuse que les Anglais étaient disposés à le croire. Quelles que soient les idées que les chefs du pays nourrissent pour son indépendance,

Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir-audio.canadblog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Et voilà, ainsi se termine cette émission hors série du podcast des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.